إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته On continue بإذن الله عز وجل Explication en langue française du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم Parmi les trésors du Saint-Coran Livre qui a été écrit par le savant Le grand savant de Médine, Abdel Mohsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'a. On s'arrêtait à la Surat Sad. Donc le Cheikh aujourd'hui, à travers le livre, il va nous expliquer un verset de Surat Sad, ou deux versets exactement, et qui est le verset 4 et le suivant, le 5. Fayaqul le Cheikh, Hafidhahullah. قوله تعالى وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب Et il, donc ici bien sûr il est fait allusion aux gens de la Mecque. Et il, les Mécois s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Sahirun, magicien ou sorcier, qui vient bien sûr du terme sihr, et qui est la sorcellerie. C'est un sorcier et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu ? Voilà une chose vraiment étonnante. Il nous dit le Cheikh à propos de ce verset. أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن عجب الكفار من بعثة محمد صلوات الله وسلام عليه وهو بشر مثلهم وادعاؤهم أنه ساحر كذاب وقد جاء هذا العجب وهذه الدعوة في قول الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Ça c'est fait surat Yunus, et c'est le verset 2. Le Cheikh nous dit ici que dans ce verset, il y a trois choses qui sont énumérées. La première chose, c'est l'étonnement des mécréants par rapport à l'envoi, par rapport à la prophétie, par rapport à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est un homme comme eux, ça c'est la première chose. La deuxième chose également que l'on trouve dans ces deux versets, à travers ces deux versets, et qui se trouve dans la deuxième partie du premier verset, c'est qu'ils l'ont traité, de menteur, et ils l'ont traité également de sorcier, pour annuler devant les gens la da'wa, qui est bien sûr basée sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette da'wa nabawiyya, ce prêche prophétique. Donc ça, ce sont parmi les méthodes employées par les al-kuffar. Et également, c'est ce qu'on va trouver dans le verset suivant, le numéro 5, comme dit le shir, وَفِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ نِبِي إِزْبَتِي سُرَةِ صَدْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ في جهدهم اولويه الله عز وجل également donc ce qu'ils ont réfuté le tawhid d'Allah azza wajal ils ont même trouvé comme on va le voir à travers un autre verset que le cheikh va nous citer ils ont trouvé cela une chose étonnante et qui est même cité dans le verset Naam qui est cité dans le verset même de sourate Sad inna hadha la shay'un ujab ils ont trouvé étonnant qu'un homme parmi les êtres humains viennent les appeler à adorer un seul Dieu. Ils ont trouvé ça étonnant. al-haqiqatu maqluba indahum, c'est-à-dire que la vérité auprès d'eux est inversée. Wallah al-musta'an. Il a cité un verset, le shirk, qu'on a cité donc, qui nous rappelle cet étonnement. Akana linnasi ajaban. Donc on voit le terme ici employé par Allah Azzawajal. Akana linnasi ajaban. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée? Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un sorcier. La sahirun mubin, un sorcier évident. Et ça, c'est fait surat Yunus, c'est le verset 2. Donc on s'aperçoit, et comme on l'a dit, l'histoire se répète, que les gens, les kuffars, les mécréants, toujours ils insulteront les prophètes. Et ils les décriront par les caractéristiques les plus ignobles. Wallah al-musta'an. Kadhab, c'est-à-dire menteur. Sahir, sorcier. Les al-kadhab wa sahir, qui sont les plus ignobles de la race humaine. Wallah al-musta'an. Et on voit, et on sait que l'histoire se répète tout le temps. Et justement, pour ce qui est de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela, c'est quelque chose qui est connu, qui était du temps de notre prophète, et comme va nous l'annoncer le shir, ces trois choses qu'on a citées et qui sont citées dans le verset, ce sont des choses qui se sont répétées continuellement, que ce soit avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec les autres envoyés qu'Allah azza wa jal a envoyés avec les autres prophètes, ou que ce soit avec lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc naturellement, c'est quelque chose qui continuera jusqu'au jour du jugement, que l'on prenne en dérision et que l'on se moque des prophètes. C'est pour ça qu'il nous dit le shir. وَهَذِي الْأُمُورَ الثَّلَافَ. Donc les trois choses qu'on a citées. L'étonnement des koufars de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'ils ont prétendu à son propos, que c'est un menteur, que c'est un sorcier. Et la troisième chose, leur étonnement par rapport à l'appel de ce prophète au tawhid d'Allah azzawajal, à l'unicité d'Allah azzawajal. Il nous dit que ces trois choses, le shir, c'est-à-dire dans tout ce qui était réfuté par les gens auprès duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé, cela est arrivé également dans les communautés précédentes. Fayaqul al-shir, amma ta'ajjubu min bi'athati ar-rasul min al-bashari wa inkari dhalika inkaru ifradillahi bil-ibadati fayadullu alayhi qawluhu ta'ala fi surat Ibrahim. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Donc à travers ce verset, le shir va nous prouver que même les générations qu'ils ont précédées, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également eux, ils ont été étonnés de l'envoi de ces personnes-là à titre d'envoyé, à titre de prophète min indillah azza wa jal, auprès d'Allah azza wa jal. Et également inkar ifradillah bil ibada, c'est-à-dire ils ont refuté qu'on adore un Dieu unique, un seul Dieu, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul à mériter l'adoration. Et le verset qui est le suivant, qu'il a cité, ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, Aad, des Aad, wa Thamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît, leurs messagers vinrent à eux avec des épreuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyé, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. Leur message est dire, y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Afillahi shakkun, subhanallah. Afillahi shakkun, fatiris samawati wal ard. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Celui qui a créé les cieux, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés, et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé. Ils répondirent, les mécréants, vous n'êtes que des hommes comme nous. Chouf. In antum illa basharum mithluna. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Donc deux choses qui sont répétées ici et qui ont été, bien sûr, qui sont advenues du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur étonnement par rapport à la mission et également leur réfutation du tawhid. Et pour ce qui est du comme a dit le cheikh ou amma wasfa ar-rusul bi annahum sahara, c'est-à-dire pour ce qui est du caractéristique qui a été donné par ces gens envers tous les prophètes comme quoi ils ont été des sorciers, c'est-à-dire tous ceux à qui on a envoyé des prophètes, ils ont été traités de sorciers. Et il nous rapporte la preuve. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été uniquement dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à tous les autres prophètes. C'est pour ça qu'il dit le shir faqad qala Allahu azza wa jal fi surati dhariyat kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qawmun taghun. C'est le verset 52 et 53. Donc ça aussi c'est une preuve que tous les prophètes qui sont venus avant lui, ainsi aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien, c'est un sorcier ou un possédé, un fou, majnoun, possédé, majnoun, fou, ou sahir, c'est-à-dire sahir bien sûr, comme on l'a dit, sorcier. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Et également, il nous dit le shir que tous les kuffars, ويدل أيضا لاتفاق الكفار على الكفر بالرسل واتباع ما كان عليه آباؤهم في عبادة آلهة مع الله. Donc il nous prouve également le shir par des versets du Coran et qui sont nombreux et qui mettent en évidence que tous les kuffars sont tous réunis, sont tous d'accord, sont tous unanimes par rapport bien sûr à leur mécréance envers les prophètes, et également dans le fait qu'ils ont suivi aveuglément leur père dans leur adoration, une adoration basée sur l'associationnisme, sur le polythéisme, Allah al-Musta'an. Et le verset qui nous prouve cela et que nous rappelle le shir, c'est fait surat Saba et qui est le verset 34, et il nous dit, il nous rappelle le shir ce verset, wa qawlullah azza wa jal wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Il y a un autre verset qui nous donne également وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyé. Ça c'est pour Surat Saba, le verset 34. Et pour Surat Zukhruf, le verset 33, c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Donc l'histoire se répète de nos jours également, comme ce qui a passé. Ensuite le shir, il passe à une autre surat, Surat Zumar. Et il nous dit le shir, qawluhu ta'ala, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Donc ça c'est du verset 53 au verset 55. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. على أنفسهم. لا تقنطوا. C'est-à-dire, ne désespérez pas. De quoi ? Min rahmatillah. Min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment. Oui, vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Naam. Il nous dit le shir, Avunubu kulluha wa a'zamu shirk yukaffiruha at-tawbatu minha. Il nous dit le shirk, tous les péchés. Et le plus grand des péchés, c'est bien sûr, comme tout le monde le sait, shirk. C'est le polythéisme, l'associationnisme. Il nous dit le shirk, tous ces péchés, et donc y compris le shirk, l'associationnisme, ils seront, tous ces péchés, effacés par quoi? Par la tauba. Donc tous les péchés, sans exception. Même le shirk, ils seront effacés, ils seront expiés, mais à une seule condition, le repentir. Le repentir, et bien sûr le repentir, on a déjà parlé du repentir, qu'est-ce que le repentir? Et on a également cité les shurut, les conditions du repentir. Et cela se retrouve dans le verset suivant que va nous citer le shir, ce qui nous avance le shir ici, par rapport à ce verset et par rapport au verset qu'il va citer. On voit bien dans le verset « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ». C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a cité le terme « al-dhunub » et il a insisté lorsqu'il a dit « jami'a », c'est-à-dire tous les péchés, et donc y compris également « shirk ». Mais bien entendu, au niveau de la compréhension du verset, on va le comprendre avec les autres versets, comme on sait que le Coran, on l'explique par le Coran, et qu'on est obligé de regarder sur plusieurs versets pour comprendre le Coran, et que c'est bien entendu la voix des mubtadi'a, c'est-à-dire la voix des innovateurs qui prennent certains versets et qui laissent d'autres versets. Les versets qui sont dits mutashabiha, qui ne sont pas évidents par rapport à notre propre compréhension, et qui délaissent al-muhkam minha, c'est-à-dire qui délaissent bien sûr ce qui, bien au contraire, les versets qui sont principaux et les versets qui sont clairs et évidents quant à la compréhension. Ça, c'est minhaj al-mubtadi'a, des innovateurs. Alors que les gens de la sunna du consensus, yaruddun al-mutashabil al-muhkam, c'est-à-dire qu'ils remettent le verset qui n'est pas clair et évident par rapport à notre compréhension au verset qui est lui clair et évident. Ça, c'est minhaj al-sunnati wal-jama'a fi fahm al-nusus. C'est la compréhension et c'est la méthodologie employée par les gens de la sunna et du consensus dans la compréhension des versets et également de tout ce qui rentre dans les textes législatifs. L'autre verset qui nous cite le shir et qui est le suivant. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. C'est dans Surat Al-Furqan, discernement, c'est le verset 68 à 70. Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah, donc ici le shirk, et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, c'est-à-dire à juste titre, sauf par rapport aux règles, par rapport aux lois musulmanes, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et ensuite, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf illa, exception faite, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit ici que le terme employé par Allah Azzawajal, illa man taba, et taba, qui est bien sûr le verbe du terme at-tawba, et qui est le repentir. Et donc il se repente et croit. Il se repente et croit et font de bonnes actions. Allah Azzawajal, de par sa miséricorde, parce qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, de par cette miséricorde immense, Allah Azzawajal, il change même leurs mauvaises actions qui ont précédé, bien sûr, avant le tawbah, en hasanat, après cette tauba, après se repentir. Allahu Akbar. Le shaykh va appuyer ce qu'il dit. Et donc, bien sûr, lorsqu'on parle, on a parlé de tous les péchés, et que le plus grand des péchés, c'est le shirk, et qu'Allah Azzawajal le pardonne à condition de tauba, bien sûr, dans les conditions de la tauba, c'est que la personne délaisse le shirk, qu'elle revienne à Allah Azzawajal, et qu'elle parfait son islam en adorant Allah Azzawajal lui seul, et en se soumettant à lui d'une pleine soumission, et en délaissant totalement le shirk. Ça, c'est la condition. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يحسن الإسلام, c'est-à-dire il pratique ensuite son islam, l'islam tel qu'il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit. وقوله تعالى, il nous cite un autre verset également, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Donc ceux qui ont mécru, الكفار, ceux qui ont mécru, قل للذين كفروا. Ça c'est fi surat al-Anfal, et c'est le verset 38. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Il y a ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils cessent, c'est-à-dire bien sûr, إِنْ يَنْتَهُوا, c'est-à-dire qu'ils cessent leur mécréance, qu'ils reviennent à Allah Azzawajal, qu'ils reviennent totalement à Allah Azzawajal, délaissant leur mécréance, délaissant leur politisme, Allah Azzawajal pardonne. يُغْفَلْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ, ce qui est passé, مَا قَدْ سَلَفْ, ce qui est passé, Allah Azza wa Jalla leur pardonne. Également le shirk, il va encore appuyer par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentifié, qui est authentique car il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Mus'an ibn Abbas, أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Donc des gens qui faisait partie des polythéistes, min al-shirk, sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous est précisé dans le hadith, kanu qad qatalu wa aktharu, c'est-à-dire en plus de leur polythéisme, ils ont fait tous les grands péchés. C'est-à-dire le qat, comme c'est cité, comme bien sûr c'est cité dans le verset. Car on va comprendre que le verset, il est descendu par rapport à ces gens, et l'autre verset également, comme dans ce hadith, fanazala, c'est-à-dire après cela, après la question posée de ces mécréants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont voulu Raribou fait l'islam, c'est-à-dire qu'ils ont voulu rentrer dans l'islam, on s'aperçoit que c'est ensuite que les deux versets sont descendus. Les deux versets qu'on a cités, qu'on recite, c'est Surat al-Furqan et Surat Zumar, celui qu'on étudie. Tayyib, qad qatalu wa aktharu, c'est-à-dire qu'ils ont également fait le meurtre. C'était des assassins. Ou aktharu, c'est-à-dire pas des petits assassins, des grands assassins. C'est-à-dire que le qat chez eux, c'était comme boire un verre de lait. وَزَنَوْا أَكْثَرُوا, c'est-à-dire même le zina, l'adultère également. وَأَكْثَرُوا, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça de manière continuelle, عَادِ, habituellement. فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم, ils sont venus auprès du prophète parce qu'ils avaient entendu parler de cette grande religion, la religion de l'islam. Il leur a dit, ce que tu dis, ce que tu prêches, la hasanun, c'est une bonne chose, la hasanun. Voilà, là où tukhbiruna, et bien sûr ils veulent savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'ils savent que ce sont des mujlimines, ils savent que ce sont des gens qui font du shirk, ils savent qu'ils ont tué, qu'ils ont fait le zina. Là où tukhbiruna anna lima amilna kaffara, si tu nous dis, si tu nous informes par rapport à ce qu'on a fait, s'il y a à ce sujet là une expiation, kaffaratan, quelque chose qui nous expie, qui nous efface totalement ce qu'on a fait, qu'on remet en fait la page blanche. Et à ce moment-là, il est descendu les deux versets. Les deux versets sont descendus. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْآيَة, et le deuxième, قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Donc il nous dit le shir ensuite, فَالذُّنُوبُ كُلُّهَا تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ وَالسَّغَائِرُ تُكَفَّرُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ. Donc il nous dit le shirk, que tous les péchés Donc si c'est général, comme dans le verset, tous les péchés, leur expiation passe par le repentir, obligatoirement. Et ce point-là, on l'avait expliqué en détail lorsqu'on avait fait l'explication de la recommandation mineure, Al-Wasiyatu Surah, du Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. On avait expliqué cette question de manière détaillée. Et il nous dit ensuite, Was-sara'iru tukaffar bi-ijtinab al-kaba'ir, c'est-à-dire que les petits péchés, donc on sait qu'il y a des grands péchés, on sait qu'il y a des petits péchés, les petits péchés, alors ils sont eux expiés par notre délaissement des grands péchés. Lorsqu'on délaisse les grands péchés, alors les petits péchés, ils sont automatiquement expiés. Et la preuve de cela, c'est le verset que le Cheikh il cite, qui fait surat An-Nisa, qui est le verset 31. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si vous évitez les grands péchés, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, نكفر عنكم سيئاتكم. Nous effacerons vos méfaits de votre compte. Allahu Akbar. Ensuite, il nous dit le Cheikh, وكل ذنب دون الشرك إذا مات صاحبه من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc c'est ici que vient la différence entre le plus grand des péchés qui est le shirk et les autres péchés qui sont en dehors du shirk, comme dans ce verset-là. Et également qui sont en dehors bien sûr du kufr. Et ça on l'avait vu pour ceux qui ont suivi les cours précédemment, il y a deux cours exactement de cela par rapport à min kunuz al-Qur'an, lorsque le shia nous avait expliqué la différence qu'il y avait entre le kufr et le shirk, et que dans ce verset le terme an yushrakabi comprenait également le kufr. Donc c'est un point essentiel à comprendre également pour comprendre le verset et pour comprendre ce qui en découle par rapport à notre croyance et par rapport aux règles religieuses. Donc le shia nous dit ici que tout ce qui est en dehors du shirk, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas fait de polythéisme mais qui est tombée dans les grands péchés, alors il faut savoir que s'il meurt et qu'il n'a pas fait de repentir, et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, contrairement au khawarij, c'est-à-dire contrairement à cette secte qui est al-khawarij. Et donc les gens de la sunna et du consensus, ils disent à propos de cette personne-là qui meurt dans cet état sans repentir par rapport aux grands péchés en dehors du shirk, alors il nous dit que son affaire est auprès d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonnera, et s'il veut, il ne lui pardonnera pas, comme dans le verset qui est cité, fi surat An-Nisa, qui est le verset 48 et qui est un des grands versets du Coran et qui est une règle en lui-même. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et il nous dit ensuite le shir, et c'est également la croyance des gens de la sunna et du consensus, contrairement également au khawarij. Il nous dit que la personne dont Allah Azza wa Jalla n'a pas pardonné, Allah al-Musta'an, et qui va rentrer dans le feu, cette personne-là, qui fait partie bien entendu des musulmans s'il n'a pas associé Allah Azza wa Jalla, alors il ne sera jamais éternel en enfer. Jamais il ne sera éternel en enfer. Et que les gens, parmi ceux qui ont fait les grands péchés et qui n'ont pas eu al-Maghfira, le pardon d'Allah Azza wa Jalla, un jour ou l'autre, quand Allah Azza wa Jalla décidera que leur peine est terminée, qu'ils auront purgé leur peine, alors il les fera rentrer dans le paradis. Ça, c'est notre croyance. Ensuite, yaqul shir, après qu'il, Allah Azza wa Jal, nous ait rappelé son fadl, son ihsan, c'est-à-dire sa grâce et sa bienfaisance de par son pardon, amara bil inabati ilayhi wa listislami lahu bil uzumi ta'ati وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل حلول النقم ونزول العذاب ثم أمر باتباع القرآن الكريم المنزل على رسوله صلوات الله وسلام عليه. Ensuite donc, après avoir cité cela dans le verset, le shir nous fait part et nous rappelle et éclaircit ce point qui est donc l'ordre d'Allah Azza wa Jal qu'on revienne à lui. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له, comme c'est bien sûr cité dans le verset. Naam. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et ensuite, il va, le shir, nous rapporter une parole d'un des grands savants de l'islam et qui est shir, Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Et on a vu, pour ceux qui étudient le livre avec nous, que le shir tout le temps ou très souvent il rapporte la parole de son cheikh, parce que c'est son cheikh, et c'était le cheikh Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, qui est bien sûr mauritanien et qui a vécu en Mauritanie et qui a fait ensuite la l'Hijra, c'est-à-dire ensuite qui a fait l'exil de la Mauritanie pour vivre à Médine, là où il est devenu l'un des grands savants de Médine, où beaucoup de chouyours ont étudié auprès de lui, et parmi eux donc Cheikh Abdel Mohsin, et également Cheikh Ibn Baz, et également Cheikh Bakr Abou Zayd, et d'autres encore savants qui ont étudié donc auprès de ce grand savant. Et les chouyours qu'on a rencontrés à Médine et qui nous parlaient de lui, ils disaient subhanallah, bahar, c'était en fait une mer de science. Quand il parlait, il ne s'arrêtait pas. Cheikh Mohammed Al-Amin, rahmatullah alayh. Et un de nos chouyours qui l'avait visité chez lui, lorsqu'il est rentré dans la pièce où il y avait ses livres, il s'est aperçu que pour un savant comme lui, il n'avait pas énormément de livres. C'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup, il y a, on va dire, énormément de livres. Il a été étonné. Il lui a donc demandé. Il lui a dit, la science, laissa fil kutub, lakin fil ras, aou fil qalb. C'est-à-dire, il lui a répondu que la science, c'est ce qu'on a appris. La science, c'est pas dans le livre, mais la science, c'est ce qu'on a appris. La science, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Enam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va enlever la science, il va en fait faire mourir les savants. Parce que sans les savants, les gens sont des ignorants. Même s'ils reviennent au livre, même si les livres sont présents, qui va comprendre le livre si le savant ne te l'explique pas? Si le savant ne te donne pas les règles principales pour comprendre le livre. Donc la compréhension de la religion, elle passe par les savants, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et c'est comme ça que la science nous est advenue. Chouyour par chouyour. C'est comme ça que la science, elle se prend. Et c'est pour ça qu'une expression connue qui dit que celui dont le shir est un livre, alors ses fautes sont plus nombreuses que ce qu'il dit et qui est donc en conformité avec la vérité. Et le shir, bien sûr, pour ceux qui reviennent à ce livre, qui est un livre qui s'appelle Adwaul Bayan, shir était donc un grand mufassir. Il a expliqué donc le Coran par le Coran. On a vu que c'était Al-Martabatul Oula. Et on s'aperçoit également, lorsque la personne va ouvrir Adwaul Bayan, que c'est un trésor de science, ce tafsir, et que tout talib al-ilm doit avoir. Chaque talib al-ilm doit avoir ce livre. Et on s'aperçoit même que dans ce tafsir, le shir, il va parler de questions de jurisprudence, et il va détailler sur certains points. Parce que c'était un grand faqih, c'était aussi un grand jurisconsulte. Et le shir était également un très très grand usuli. C'est-à-dire c'était également un très grand savant dans les bases de la jurisprudence. Et bien sûr, tout le monde connaît son livre Al-Mudhakkira, qui est en fait un livre qui comprend les bases de la jurisprudence, ou les règles énoncées, ou les chapitres, on va dire, les thèmes principaux énoncés dans les bases de la jurisprudence, Al-Mudhakkira. Et un livre, les étudiants à Médine étudient et reviennent à lui également, surtout ceux qui sont spécialisés fi usul al-fiqh. Donc le cheikh, c'était un grand savant. Et c'est pour ça que tout le long du livre, on aura pu en fait avoir un aperçu de la science du shir, et on aura pu avoir un aperçu des paroles du shir à travers donc ce que nous a rapporté son élève, qui est lui-même un grand savant, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Il nous rapporte donc la parole du shir, fi Adwa al-Bayan, lorsque le shir a expliqué le verset, et qui est donc la suite du verset dans le surat Zumar, wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum, donc le verset. Il dit le shir, في الكلام على قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, c'est-à-dire ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Il va nous dire le shir, وقوله, c'est-à-dire shir Mohammed al-Amin, وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسنه أي يقدمون الأحسن الذي وأشد حسنا على الأحسن الذي ودونه في الحسن ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن ويدل لهذا آية من كتاب الله أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي فهو في آية من كتاب الله كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طيب le cheikh ici, il va nous expliquer qu'il y a en fait trois niveaux par rapport à ce qu'on appelle l'ahsan, et par rapport à ce qu'on appelle également Al-Hassan. Il nous dit en fait qu'il y a Al-Ahsan, alladhi wa ashadd husnan. Al-Ahsan, qui est ashadd husnan. Et ensuite, il y a également Al-Ahsan, que l'on va retrouver dans la parole du shir et qui en fait est l'ahsan al-mutlaq. Et ensuite il y a al-hasan. Ensuite il y a al-hasan. Et pour bien comprendre cela, pour bien comprendre ce que va nous expliquer le shir, parce que c'est important et ce sont des choses qui sont directement en relation avec la religion, et pour comprendre également le din, c'est que cela correspond également par rapport à ce qu'on connaît des cinq bases de la jurisprudence, ou des cinq points de la jurisprudence, par rapport à ce qui est wajib, par rapport à ce qui est mandoub, par rapport à ce qui est mubah, c'est-à-dire jaiz. Il va nous dire en fait que ça correspond à ces trois choses, c'est-à-dire al-ahsan, al-adi wa ashaddu husnan, c'est en fait ce qui correspond au wajib, ce qu'il va nous dire ensuite, wal-ahsan al-mutlaq, c'est ce qui correspond à ce qui est mandoub, et al-hasan, c'est ce qui correspond à ce qui est al-hasan. Donc par rapport à ça, on a trois niveaux. Al-ahsan, mais qui est ici traduit par ashad al-husnan, al-ahsan, qui est l'ahsan al-mutlaq, et ensuite al-hasan. Et il va nous expliquer derrière cela le shir, on va comprendre derrière cette parole du shir une question également qui est en relation avec la croyance des gens de la sunna du consensus. C'est est-ce que l'on peut dire par rapport au Coran qu'il y a des paroles d'Allah Azzawajal qui sont meilleures d'autres, sachant que toutes ces paroles viennent d'Allah Azzawajal. Ce point-là, on l'a déjà expliqué lorsqu'on a expliqué Ayatul Kursi. Et on a rapporté les paroles des savants, comme les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève également Ibn al-Qayyim, et que cette parole-là est également celle qui a été citée par l'imam Ahmed et également l'imam Malik et tous nos salafs. C'est-à-dire que, par rapport à notre croyance, il y a bel et bien des versets qui sont meilleurs que d'autres, c'est-à-dire des paroles d'Allah Azzawajal qui sont meilleures que d'autres. Et ce n'est pas par rapport à Allah Azzawajal, parce que toutes les paroles d'Allah Azzawajal sont meilleures, mais par rapport à ce à quoi elles ont descendu, c'est-à-dire par rapport au sujet auquel elles ont descendu. Si par exemple, maintenant, on prend des versets qui sont descendus par rapport aux kuffar, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous cite l'état des kuffars et ce qui leur est arrivé comme châtiment. Est-ce que ce verset-là, par rapport bien sûr, sous cet aspect, va être meilleur que le verset où Allah Azzawajal parle de ses attributs et parle de ses noms, subhanahu wa ta'ala? Bien évidemment, la réponse est non. Donc, sous cet aspect, on dit bien sous cet aspect, on dit que il y a bien sûr, par rapport au Coran ou par rapport à la parole d'Allah Azzawajal, ce qui est meilleur que d'autres, sous cet aspect bien entendu, et tout vient d'Allah Azzawajal, et c'est donc la croyance des gens de la sunna et du consensus, contrairement aux mutakallimoun, c'est-à-dire les gens de la science spéculative et qui renient cela sans avoir compris en fait qu'est-ce qu'on voulait par lorsqu'on disait al-ahsan et al-hasan. Naam. Donc à travers cela, le shir également il va nous faire part indirectement de cette question de croyance. Et donc on le retrouve dans la parole d'Allah Azzawajal, ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Donc on voit ici le terme ahsan. Wa ahsan min af'al at-tafdil, c'est-à-dire qu'ahsan, il y a quelque chose donc qui est meilleur qu'une autre chose. Une chose qui est meilleure qu'une autre chose. Et bien sûr, lorsqu'on dit ahsan min bab af'al, donc min af'al at-tafdil, et donc on fait la comparaison entre deux choses pour comparer une chose qui va être meilleure que l'autre. Donc ici c'est le même terme qui est employé par Allah Azzawajal. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Également, lorsqu'on dit le Coran, le Coran, vu qu'il englobait tout ce qui était présent dans les livres précédents, comme l'Évangile, la Torah, donc le Coran est meilleur par rapport à la Torah, par rapport à l'Évangile. Mais tout vient d'Allah Azzawajal. Également, ça c'est la croyance des gens de la Sunna et du consensus. Donc il revient tout simplement à ces termes-là, par rapport à ce qui est Al-Ahsan, et qui veut par là Ashad al-Husnan, Al-Ahsan, où on veut par là Al-Ahsan al-Mutlaq, ou également Al-Hasan, ce qui est en fait Hasan. Et donc, bien sûr, dans le Coran, tout est Hasan. C'est-à-dire, dans le Coran, tout rentre sous cela, Hasan. Mais il y a ce qui est Ahsan, Enam. Comme donc on l'a expliqué. C'est pour ça que le shir nous dit wa amma kawnul Qur'an fihi al-ahsan wal hasan faqad dallat alayhi ayatun min kitabi. C'est-à-dire il nous dit donc que dans le Coran on trouve ce qui est hasan et on trouve ce qui est ahsan, alors beaucoup de versets, comme nous le dit le shir, nous ont prouvé cela. et comme ce qu'il vient de citer dans le verset qu'on en étudie. Et également, il va nous rapporter une autre preuve par rapport à la parole d'Allah Azzawajal qu'il a dite à Moussa. Et c'est le verset suivant. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا. Donc, il dit Allah Azzawajal à Moussa, فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, prends-le avec force. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا. Et dis à ton peuple, ou commande à ton peuple qu'il prenne le meilleur d'elle. بِأَحْسَنِهَا. Donc on voit ici le terme qui revient, أَحْسَن. بِأَحْسَنِهَا. Et donc bien sûr, ça revient en fait à la Torah. Pour comprendre donc qu'il y a des versets qui vont être meilleurs que d'autres, bien entendu sous l'aspect qu'on a détaillé. Et également, il va nous citer un autre verset, le Cheikh, pour ici nous faire comprendre également ce qui est en relation avec Al-Ahsan, si l'on compare à ce que j'ai déjà expliqué pour ce qui est de Al-Wajib, pour ce qui est Al-Mandoub ou Al-Jaiz. C'est le verset suivant, Wafalu Al-Khayra La'allakum Tuflihun. C'est-à-dire, faites le bien, peut-être que vous aurez donc la réussite. C'est-à-dire, قَدِّمُوا فِعْلَ الْخَيْرَ الْوَاجِبَ عَلَى فِعْلَ الْخَيْرَ الْمَنْدُوبِ. C'est-à-dire donc, faites devancer l'acte qui est de l'ordre du bien, mais qui est obligatoire sur ce qui est surérogatoire. Donc quand on dit الْوَاجِبَ, bien sûr c'est l'obligatoire, وَالْمَنْدُوبِ, c'est الْمُسْتَحَبِ, c'est bien entendu ce qui est surérogatoire, ou plutôt recommandé. On traduit par recommander. Donc, on doit mettre en avant ce qui rentre dans Al-Wajib par rapport à ce qui rentre dans Al-Mandoub. Taïb. Et également, on doit. Yaqul wa qaddimu hadha al-akhir ala mutlaq al-hasan alladhi wa al-ja'iz. Donc, on voit ici mutlaq al-hasan, ça revient en fait al-hasan, et qui est donc al-ja'iz, qui revient donc à ce qui est ja'iz, c'est-à-dire al-mubah, c'est-à-dire ce qui est permis. Donc, bien entendu, c'est placé en priorité par rapport à ce qui est permis. Donc on voit bien ici les étapes, c'est-à-dire en partant de ce qui est obligatoire, en partant de ce qui est surrogatoire ou recommandé, et ce qui est jaïz. Donc si on a une situation devant nous où on ne peut que faire ce qui est obligatoire, ou si on le délaisse, on va faire ce qui est recommandé, alors on va prendre ce qui est, bien sûr, on doit faire ce qui est obligatoire, etc. Et ensuite, le Cheikh nous dit, وَلِهَذَا كَانَ الْجَزَاءُ بِخُصُوصِ الْأَحْسَنِ الَّذِي وَالْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ لَا عَلَى مُطْلَقِ الْحَسَنِ. Donc, bien sûr, la récompense va être spécialement pour ce qui est considéré comme الْأَحْسَنِ. Et ici, qui comprend, bien sûr, الْوَاجِبُ, donc ça serait en considération avec الْأَحْسَنِ الَّذِي وَأَشَدُّ حُسْنًا وَالْأَحْسَنِ الْأَحْسَنِ الْمُطْلَقِ, qui est donc الْمَنْدُوبُ. Donc, pour ce qui est du wajib al-mandoub, c'est par rapport à cela qu'est considéré ou qu'est pris en considération la récompense. La ala mutlaq al-hasan. La ala mutlaq al-hasan. C'est-à-dire, en fait, al-hasan, il veut dire par là le shirk, et qui est bien sûr ce qui est jaiz. Ce qui est jaiz, ce qui est permis. Il va nous rapporter des versets par rapport à cela. Et le verset qu'il nous cite, c'est le suivant. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et un autre verset également, ça c'est surat Nahl, qui est le verset 97. Et nous, les récompenses seront certes en fonction des meilleurs de leurs actions. En fonction des meilleurs de leurs actions. Donc on voit ici le terme des meilleurs de leurs actions. Bi'ahsani ma kanu ya'malun, ça correspond ici le terme ahsan au wajib et au mandoub. Ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Et également le verset suivant, qui se trouve dans la même surat que l'on est en train d'étudier. Fi surat Az-Zumar, qui est le verset 35. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et les récompenses selon ce qu'ils auront fait de meilleur. بِأَحْسَنِ. Donc ici l'ahsan, al-wajib, tayyib, al-adhi wal-ahsan, ashadd husnan, et al-mandoub, al-adhi wal-ahsan al-mutlaq. Et également il nous dit un point qui est également essentiel et qui rentre toujours dans la même optique. وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّرْغِيبِ فِي الْأَخْذِ بِالْأَحْسَنِ وَأَفْضَلِيَتِهِ مَعَ جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْحَسَنِ. Donc ici il nous dit que dans beaucoup, ça c'est un exemple qu'il nous dit, dans beaucoup de versets du Coran, il nous est incité que l'on prenne ce qui est l'ahsan, c'est-à-dire ce qui est l'ahsan, et que cela bien sûr est meilleur, alors qu'il nous est malgré cela qu'il nous ait également permis de prendre ce qui est Al-Hasan. Ici, on va voir un exemple qui nous traduit donc encore ces deux termes. Et le verset suivant, c'est fait surat al-Nahl, et c'est le verset 126. Il dit « Yaqul wa qawlu Allahu ta'ala wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin ». Donc فالامر في قوله فعاقب بمثل ما عوقبتم به للجواز. Donc ici فعاقب بمثل ما عوقبتم به. Ici donc le shir nous dit الامر للجواز. Donc bien sûr, ça aussi c'est un point qui est important de comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les verbes qui sont dits à l'impératif qui automatiquement comprennent une obligation. Et ça c'est un des exemples. Et ça c'est un des exemples que nous donne le shir. C'est une question bien sûr qui revient par rapport à la compréhension des versets et qui revient aussi aux bases de la jurisprudence. Comme on sait, cette fameuse règle qui est Al-Amru Yaqtabi Al-Wujub, c'est-à-dire bien sûr que l'ordre implique l'obligation. Et on voit bien ici qu'on a Fa'aqibu et que le verbe ici est quoi ? Est à l'impératif. Et l'impératif bien sûr traduit par rapport à ce qui est verbal. Il traduit quoi ? Il traduit l'ordre. Et donc, ça voudrait dire que l'ordre implique, d'après cette règle essentielle et fondamentale, que ça implique l'ordre. Mais par rapport à Siyaq al-Aya, par rapport à l'exposition, le contexte du verset, on va comprendre que ce n'est pas l'ordre. Mais ici, al-Jawaz, c'est pour ça qu'il nous dit fal-Amru, il cite le verset, il nous dit ensuite le shir, l'il-Jawaz. C'est-à-dire que ça traduit tout simplement la permission. Il nous est permis. Et il nous dit Wallahu la ya'mur illa bi hasan fadalla dhalika ala al-intiqam hasan walakin Allah bayyana anna al-'afw was-sabr khayrun minhu wa ahsanu fi qawli wa la in sabartum la wa khayrun lis-sabirin wa amthalu dhalika kathiratun fi al-Qur'an thumma dhakara rahimahullah jumlatan minha. Donc il nous dit le shir ici pour nous faire comprendre donc le verset, pour nous faire comprendre ce qui est ahsan et pour ce qui est hasan. Ce qui est hasan, c'est donc le début du verset. Et si vous punissiez, infligez donc à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Ceci c'est Hassan. Taïb. C'est-à-dire que c'est permis ici. Al-Jawaz. On a bien vu que Al-Hassan, ça correspond à ce qui était Jaiz. Al-Jawaz. C'est-à-dire ce qui est Mubah, ce qui est permis. Taïb. Donc ça c'est Hassan. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal n'apporte dans son Coran que ce qui est Hassan. Mais il nous dit ici Allah Azzawajal que Al-Ahsan est bien sûr meilleur. Et il nous incite à ce qui est Ahsan min hadha. Et comment il se traduit dans le verset ? Wala in sabartum. Wala in sabartum la huwa khayrul lis-sabirin. C'est donc, si vous patientez, si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. C'est-à-dire que vous n'infligez pas à l'agresseur une punition égale et que vous pardonnez. Et que vous patientez par rapport à ce qui vous est fait, alors c'est encore meilleur et ça fait partie de ce qui est Ahsan. Et ça, c'est bien sûr ce qui est recommandé. Donc ça rentre ici dans le Al-Mandoub. Et on a vu que également le terme Ahsan, ça peut comprendre également le Wajib. Mais Al-Ahsan al-Ladhi wa ashaddu husnan. Donc tout ceci, c'est ce que nous met en évidence le Shir et qui sont tous des termes que l'on va retrouver lorsqu'on étudie Al-Nusus, lorsqu'on étudie donc les textes. Que ce soit du Coran et également de la Sunna. Taïb. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, vu qu'on avait prévu le verset de Surat Ghafir et qui est un verset également très important. Inch'Allah, on le fera donc le prochain cours qui sera, Inch'Allah, ou Ta'ala, ce jeudi. Qui sera donc à 21h30. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.